Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Alors que la République démocratique du Congo a rappelé ses diplomates accrédités à Kigali, la capitale rwandaise, avec effet immédiat, la population de Goma vit sans eau courante et sans électricité à cause des combats de l'armée congolaise et ses alliés au groupe M23. La réduction du nombre de prisonniers permet l'amélioration du suivi et du traitement de ceux qui restent en détention, d'après l'Association pour le développement intégral des familles en situation de pauvreté autour de la situation des prisons au Burundi. Et le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique en déplacement à Bouanza mercredi a mis en garde les magistrats corrompus par le biais des commissionnaires. Notre correspondant Space Caritas Kawanyana nous décrira le mode opératoire des deux. Et les élèves du lycée communal Nunda en province Bururi ont observé un mouvement de grève mercredi dernier pour réclamer des enseignants. Voilà pour le sommaire. Nous ouvrons ce journal par cette information brûlante de la sous-région. La RDC a rappelé ses diplomates accrédités à Kigali, la capitale rwandaise, avec effet immédiat. Dans une correspondance du ministère congolais des Affaires étrangères de ce 24 janvier, ce pays s'est engagé à respecter toutes les procédures diplomatiques et à assurer une transition ordonnée à cette décision. Sur ce, Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères via son compte X, précise que le dernier diplomate rwandais en poste à Kinshasa avait depuis longtemps quitté la RDC. Cette brouille diplomatique intervient dans un contexte d'insécurité dans l'est de la RDC. Ce dernier accuse toujours le Rwanda de soutien au groupe armé M23, alors que Kigali réfute toute implication. La réduction du nombre de prisonniers permet à ceux qui restent en détention de bénéficier d'un suivi et d'un traitement adéquat. Propos de maître Ndayeme Dismas ce vendredi 25 janvier lors d'une conférence organisée par Restoration Burundi, une association pour le développement intégral des familles en situation de pauvreté autour de la situation des prisons au Burundi. Maître Dismas Ndayeme a demandé au gouvernement burundais d'améliorer les conditions carcérales. Suivez-le. C'est vrai que les établissements pénitentiaires sont datent de longtemps, mais avec les mesures de désengorgement, de réduction de la surpopulation carcérale, je crois qu'il n'y a pas besoin d'augmenter les établissements pénitentiaires. Plutôt, prendre des mesures qui s'imposent visant à réduire la population carcérale, notamment minimisant les cas des personnes emprisonnées ou en prenant d'autres mesures qui visent justement à désengorger les établissements pénitentiaires. Donc ce n'est pas nécessaire qu'on construise les autres prisons parce qu'on veut réduire la population carcérale, mais on pourrait peut-être construire les autres établissements pénitentiaires dans le but peut-être de séparer les détenus, soit par genre, soit pour d'autres causes comme les maladies ou les autres aspects visant à l'amélioration des conditions carcérales. La première solution, c'est de mener des sensibilisations auprès du personnel pénitentiaire pour qu'ils puissent faire des contrôles des dossiers des détenus pour que ceux qui ont déjà purgé leur peine soient libérés. Une autre solution que je proposerais, c'est que les acteurs, donc les intervenants, les membres de la société civile puissent contribuer dans le suivi, le contrôle des dossiers, des détenus pour qu'ils puissent plaider en leur faveur. Parce que les détenus n'ont pas la possibilité ou les moyens de poursuivre leur dossier. C'est pourquoi nous interpellerons les acteurs qui interviennent dans le domaine de travailler dans l'arrache-pied, de faire un plaidoyer pour que les détenus qui nécessitent d'être libérés puissent être libérés sans condition. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza constate que l'appui des communes dans le secteur de l'éducation est d'une importance capitale pour l'amélioration du rendement scolaire. Juvenal Mbonihanghouye donne l'exemple des communes Kabarore et Butaganzwa qui se classent toujours premières dans les examens nationaux au niveau de la province. Il appelle d'autres communes à les prendre pour modèle, notamment en facilitant les descentes sur terrain et la multiplication des tests d'entraînement aux examens nationaux. Correspondance de Patrick Saint-Guillaume. D'après Juvenal Mbonihanghouye, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, certaines communes en cette province appuient le secteur de l'éducation au moment où d'autres semblent manifester de l'indifférence face à cette situation. Il indique que les frais de fonctionnement que le ministère de l'éducation accorde aux directions communales de l'éducation ne suffisent pas pour que toutes les activités planifiées par les DCE puissent être bien réalisées. Juvenal Mbonihanghouye trouve plutôt que les administrateurs communaux devraient débloquer de la argent qui puisse permettre aux directeurs communaux de l'éducation de s'approvisionner en carburant et effectuer des descentes sur terrain à différentes écoles. Le directeur provincial de l'éducation à Kayanza demande également aux administrateurs communaux d'intervenir aussi dans la multiplication des tests d'entraînement aux examens nationaux, étant donné que c'est le lit, ces tests demandent beaucoup de moyens pour l'impression et la photocopie. Juvenal Mbonihanghouye précise que l'appui des communes dans le secteur de l'éducation est impact positivement sur le rendement scolaire. Là, il donne l'exemple de la commune scolaire Butaganzwa qui se classe première au niveau de la province dans les examens nationaux du fait que l'administration communale s'implique beaucoup. Juvenal Mbonihanghouye, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, trouve d'ailleurs que si toutes les communes de la province Kayanza pouvaient intervenir et prendre à main certaines des questions qui hantent le secteur de l'éducation en cette province, la province scolaire de Kayanza pourrait même se classer première au niveau national dans les examens nationaux. Signalons que parmi les défis majeurs auxquels fait face le bon fonctionnement du secteur de l'éducation à Kayanza figure principalement le manque d'à peu près 1000 enseignants et celui d'environ 23 000 bancs pupitres. Depuis Kayanza, Patrick Nsengui va pour la radio Isanganiro. Éducation toujours, cap maintenant sur Bururi, précisément dans la commune scolaire de Vianda, qui manque de 28 enseignants depuis le 4e cycle jusqu'au poste fondamental. Même les enseignants vacataires ou bénévoles sont rares, ce qui a poussé les élèves du lycée communal Nhunda à observer un mouvement de grève. C'était mercredi dernier, en guise de protestation contre cette situation. Correspondance Zenon Zambiman. Parmi ces 28 enseignants du cycle 4 et du poste fondamental de la commune scolaire d'Ovianda a besoin, figurent 14 du cycle 4 à 6 écoles et 14 du poste fondamental à 4 écoles, dont 3 lycées techniques, selon les données en provenance de la direction communale de l'éducation à Ovianda. Certains des responsables scolaires confirment voir manquer même des enseignants vacataires et bénévoles, ce qui a été à l'origine d'un mouvement de grève observé mercredi dernier par les élèves du lycée communal Nhunda, qui fait face au manque de 4 enseignants pour la section biologie, chimie et sciences de la terre. C'est le directeur de cette école. Ferdinand Aikeza indique qu'il a même cherché des enseignants vacataires et bénévoles, mais sans succès. Toutefois, son premier responsable scolaire confirme qu'il a déjà fait recours aux vacataires internes, mais qui enseigne aujourd'hui entre 28 et 32 heures par semaine, alors qu'il ne devrait pas dépasser 24 heures. Les parents des élèves à ces écoles qui font face au manque d'enseignants demandent que ce problème soit résolu. Le directeur communal de l'éducation dans cette commune confirme avoir déjà transmis à son hiérarchie le rapport lié aux besoins en enseignants. Emmanuel Hatongimana appelle les responsables scolaires à continuer à chercher les enseignants bénévoles et vacataires en attendant le recrutement de nouveaux enseignants par le ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zénon. L'éducation en faveur des personnes vivant avec handicap est entravée par le manque de moyens financiers et l'insuffisance des enseignants. Ce défi a été relevé ce samedi par le président de l'Association pour la promotion de l'environnement inclusif aux personnes vivant avec handicap. C'était au cours d'un atelier de sensibilisation sur l'éducation inclusive. Régis Guilindavi a demandé au gouvernement de les épauler pour que toute personne vivant avec handicap puisse étudier comme les personnes valides. On l'écoute. Les principaux défis, c'est bel et bien les défis liés au manque de moyens, d'abord financiers. Jusqu'à maintenant, notre association, comme on le dit, c'est une association sans but lucratif. Donc, dès ces premiers jours, on a dû nous-mêmes chercher nos propres moyens. Donc, pour dire qu'il y a des activités grandioses qu'on a, mais à cause des moyens limités, principalement financiers, nous avons encore des lacunes. Et notre défi concerne l'environnement. Donc, on rencontre des barrières liées à la compréhension de ces problématiques, de l'inclusion, du handicap. Donc, on voit qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas encore sensibilisées sur l'inclusion, sur le handicap, sur l'humanitaire même. Donc, les défis liés à l'environnement sont multiples. Étant donné que l'éducation est une chose incontournable pour accéder au développement, nous avons dû commencer par le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique pour sensibiliser d'abord les parents, puis les enseignants, même les bénéficiaires, c'est-à-dire les personnes vivant avec handicap, ces élèves-là, pour qu'un enseignant, s'il les rencontre avec une personne sourde, quelle est l'approche adaptée pour faire face à cette personne? Comment, quel est un comportement à adopter? Une attitude convenable devant un élève ou un étudiant vivant avec handicap? Nous interpellons les décideurs, plus particulièrement le gouvernement. Nous leur demandons de continuer à collaborer avec l'APIH, notre association. De lutter contre l'analphabétisme, ce n'est pas seulement une activité. C'est une activité aussi des particuliers et des privés. Nous interpellons aussi les particuliers qui ont des moyens, des grandes organisations, pourquoi pas les agences en disant, de collaborer avec nous. C'était Régis Guilindavi, président de l'Association pour la promotion de l'environnement inclusif aux personnes vivant avec handicap. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique en déplacement à Bouanza a mis en garde les magistrats corrompus par le biais des commissionnaires. Dans une réunion avec les représentants des populations des communes Guihanga, Manda et Rugazi, mercredi, le ministre Martin Niteleti a donné l'injonction aux autorités administratives de suivre de près ses comportements et de sévir contre les coupables. Spécialitas Kavanyana. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, le conseil et les magistrats a tranché des procès équitables et évité les commissionnaires qui s'intercalent entre les juges et les justiciables et qui collectent de l'argent comme corruption. Martin Niteletse a précisé que des situations pareilles se sont déjà produites dans certaines communes comme à Guihanga, où une mesure judiciaire a exproprié une population composée de 8000 ménages, c'était en 2022, pour donner le terrain à une personne, comme l'a précisé le ministre. Il a également donné exemple de ceux qui ont dernièrement libéré les criminels et les violeurs, alors qu'ils devaient plutôt libérer les prisonniers coupables de petites infractions. Martin Niteletse, ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, l'a dit ce mercredi à Manda lors d'une réunion avec les représentants de la population des communes Guihanga, Manda et Rugazi. Et pour revenir sur la République démocratique du Congo, ce samedi 25 janvier, dans les environs de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, les combats opposent l'armée congolaise et ses alliés au groupe M23. 13 soldats sud-africains, malawites et uruguayens déployés au sein de la force régionale de la SADC ou au sein de la mission de l'ONU MONUSCO ont été tués dans les combats. La RDC rappelle ses diplomates au Rwanda. La réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, prévue lundi, a été avancée à ce dimanche. Entre-temps, la ville de Goma, abritant plus d'un million d'habitants, est privée d'électricité. Les lignes de haute tension ont été coupées lors des combats entre le M23 et l'armée congolaise appuyée de ses alliés. Une coupure d'électricité à l'origine d'un manque d'eau. Et dans le reste de l'actualité africaine, l'Égypte et la Somalie ont conclu un accord de partenariat stratégique au niveau politique, économique et surtout militaire. Un accord signé lors de la visite au Caire, jeudi 23 janvier, du président somalien Hassan Sheikh Mohamud, qui vise notamment à renforcer la lutte contre le terrorisme en Somalie. En effet, depuis le mois d'août, ce n'est pas moins de 3000 militaires égyptiens qui ont été envoyés en Somalie. Officiellement, il participe à l'entraînement des forces somaliennes pour combattre le terrorisme et sécuriser le pays. L'Égypte a aussi fait 3 livraisons d'armes légères à la Somalie. À partir de cette année, les militaires égyptiens doivent être intégrés à la mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, ATMIS. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur Isanganiro. Jean Bosco, Douimane.